L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Dans quelques jours, le 28 septembre, l'Inde va mettre en orbite pour la première fois un observatoire astronomique et qui n'est pas comme les autres. Cet observatoire, du nom de AstroSat, comporte pas moins de 5 instruments différents, dont un double télescope et de multiples capteurs de rayons X. Il pourra scruter l'univers simultanément dans toutes les longueurs d'onde entre les rayons X durs et le visible, ainsi que détecter des particules chargées. Avec ce lancement, l'Inde rejoindra le petit groupe des grandes puissances scientifiques qui font de l'astronomie en orbite, les États-Unis, l'Europe et le Japon. Une grande première pour un pays émergent. Les capacités d'AstroSat seront notamment très utiles pour l'étude des objets qui émettent à la fois en rayons X et dans les longueurs d'onde plus grandes, sur des durées très courtes, comme les noyaux actifs de galaxies ou bien les systèmes binaires X. Ces binaires X contiennent un objet très compact, le plus souvent un trou noir, et une étoile normale. Ces couples ne sont visibles que lorsqu'ils produisent de brusques éruptions dans de multiples longueurs d'onde. C'est en corrélant attentivement l'émission de rayons X et la partie UV est visible du spectre que l'on peut déterminer des paramètres clés du disque d'accrétion à l'origine de l'éruption, à commencer par sa taille. Actuellement, les astronomes doivent utiliser plusieurs types de télescopes différents, pas tous forcément disponibles immédiatement quand une éruption de rayon X est détectée. Avec AstroSat, tous les instruments seront sur le même satellite, pointant déjà dans la même direction. L'information des différentes longueurs d'onde sera fournie simultanément juste après le déclenchement par la détection d'un flash de rayon X. Et AstroSat sera quand même utilisé comme une sentinelle, prévenant tous les observatoires terrestres de la détection d'une nouvelle éruption de binaire X pour qu'ils puissent la suivre, même avec du retard. Les scientifiques de l'ISRO, l'Indian Space Research Organization, ont conçu la mission il y a près de 20 ans déjà, à partir de 1996. Et ils prévoyaient initialement de lancer AstroSat en 2007. Mais ils ont subi des déboires à la fois budgétaires et technologiques qui ont provoqué une série de retards. L'imageur de rayons X mou a notamment été très délicat à construire par le Tata Institute of Fundamental Research de Mumbai, avec ses centaines de miroirs positionnés avec une précision d'une fraction de micron. Les autres institutions indiennes ayant participé au développement des instruments de AstroSat sont l'Indian Institute of Astrophysics et ensuite l'Inter University Center for Astronomy and Astrophysics et le Raman Research Institute. Et deux instruments particuliers ont bénéficié également de collaborations avec les Canadiens de la Canadian Space Agency et les Anglais de l'Université de Leicester. Oui, on reste dans le Commonwealth. Alors aujourd'hui, tous les feux sont au vert et AstroSat est installé dans la coiffe de la fusée indienne PSLV-C30 en compagnie de 6 autres mini-satellites. Et il attend son lancement au centre spatial Satish Dhawan de l'ISRO à Sriharikota, qui se trouve dans l'Andhra Pradesh. Les Indiens se sont réservés la première année de l'observatoire pour leurs propres recherches et offriront ensuite du temps d'observation à l'ensemble de la communauté scientifique. AstroSat est prévu pour fonctionner durant 5 ans. À très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr ainsi que sur PodCloud. iTunes, hein, pour écouter et télécharger, podcaster ce magnifique podcast que vous aimez tant, et j'en suis très heureux. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut !